L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Myriam Gourfink, vous êtes chorégraphe et nous allons parler ensemble d'un spectacle qui a pour titre « Évaporer », une création 2017-2018 qui sera présentée à l'apostrophe à Cergy Pontoise dans le cadre de Périphérique Art Mêlé, et ce sera au mois de février 2018 à l'apostrophe Théâtre 95 à Cergy Centre Préfecture. Je dis à nos auditeurs Théâtre 95 car effectivement, comme on l'a entendu au cours de cette présentation de saison, il y a rapprochement, fusion, pas tout à fait encore, entre ces deux institutions culturelles, mais c'est pas le propos de notre interview. Un spectacle qui mêle différentes expressions artistiques et différents médias. La danse, pour une chorégraphe, ça paraît inévitable, sauf que ça traverse aussi d'autres expressions artistiques, la musique, les arts vidéo, l'image en mouvement, l'image animée, et c'est pas un spectacle pluridisciplinaire comme on en parle généralement, mais c'est plutôt une sorte d'hybridation, c'est ça ? Absolument. Donc en fait, déjà à la base du travail, j'ai toujours mêlé musique et danse d'une façon assez singulière, je crois, car pour moi, un spectacle de danse, entre guillemets, c'est pas seulement un spectacle de danse, mais c'est aussi un concert de musique. Donc les deux arts ayant vraiment un statut autonome et vraiment, ils sont égal à égal sur scène. Donc c'est tout autant toujours un spectacle de danse que j'essaye de mettre en scène qu'un concert aussi, en variant les modalités et du spectacle de danse et du concert. Et puis est venue en fait l'idée, l'envie d'avoir un troisième art, hybridant les deux premiers, un art vidéo, oui, mais vivant, c'est-à-dire pas une vidéo déjà montée, déjà faite, etc., mais une vidéo qui est plus comme un échantillonneur musical, comme un petit moteur fait de petites séquences d'images qui seront vraiment traitées et générées en temps réel, avec des modifications, avec une vie intérieure qui vient tout autant de la danse, les danseuses étant munies de capteurs, que de la musique étant générée en partie par un programme électronique venant aussi influer sur le petit moteur vidéo. Nous sommes bien toujours sur la planète Terre. Parce qu'effectivement, là, on est dans un autre espace, temps, finalement, et où vous appuyez sur la technologie, la modernité de cette technologie. Il y a interaction entre à la fois les danseuses, la musique et la danse. Absolument, il y a un maillage entre les trois arts. Un maillage pas toujours fusionnel, hein. on veut pas ça, non, on veut vraiment aussi trois arts autonomes qui ont chacun leur vision de ce que peut être cet état évaporé et qui défendent leur vision tout au long du spectacle, mais parfois effectivement, eh bien, il y a possibilité peut-être de fusion entre les trois. Vous parlez d'état, de climat, d'atmosphère ? Oui, absolument. Ça, c'est vraiment des mots que j'aime beaucoup. Quelque chose d'atmosphérique, quelque chose... vous parliez de hors-temps, mais je dirais que le temps n'existe pas, selon Einstein. Ça a toujours été... c'est comme si je voulais vraiment sentir ça dans mon corps, toujours, et le sentir aussi à travers la musique, les musiques que j'aime, que je choisis, qui sont ce qu'on appelle la noise music, qui est un hors-du-temps rythmique, hors du temps pulsé, mais qui étire le temps d'une façon lisse, d'une façon continue, et qui nous transporte dans un ailleurs, mais un ailleurs bien terrestre aussi, hein. Et puis la même façon pour cette image que j'aimerais qu'elle change et qu'elle se dégrade vraiment très lentement au fur et à mesure, presque qu'on ne la sente pas se dégrader, mais tout d'un coup qu'on en perçoive le changement. Et c'est un peu la même chose pour la danse, une danse effectivement qui est mue par le souffle, par tous les petits micro-mouvements articulaires qui supportent la respiration et qui font que cette danse est rapide hein, pour ceux qui la font, parce qu'il se passe plein de choses à l'intérieur, plein d'émotions, plein de sensations, etc. Mais pour le public, pour quelqu'un qui regarde, effectivement, on va arriver dans quelque chose qui fait vivre un temps étiré, qui fait vivre un autre temps. Il faut expliquer, si vous avez parlé de souffle, de respiration, donc je ne peux pas ne pas en venir à ce qui est un peu le fil conducteur ou ce qui guide votre travail depuis l'origine, je crois, en tout cas depuis pas mal de temps, puisque vous prenez appui dans les techniques respiratoires du yoga, et pas du yoga classique, comme vous avez dit sur scène tout à l'heure, ici au Théâtre des Louvrets à Pontoise, mais plutôt du yoga tibétain. Et tout ça pour nourrir votre démarche artistique, et on comprend mieux effectivement déjà un petit peu ce climat dans lequel vous installez eh bien, la danse et les interprètes, les danseuses, pour partager ce souffle, cette respiration, c'est ça ? Oui, au-delà de la respiration, en fait, ce que j'ai découvert avec le yoga, j'aurais pu le découvrir avec le yoga classique, hein, mais j'aime beaucoup ce yoga tibétain. C'est effectivement la sensation vraiment de la fréquence et des diverses fréquences qui nous habitent, qui, en fait, chaque tissu vibre et a une fréquence particulière. Le foie, l'estomac, la rate, le cœur, la peau, ou la graisse ou les muscles ont des fréquences particulières. Et le yoga, finalement, nous amène à venir vraiment augmenter la fréquence de nos tissus. Et c'est comme ça d'ailleurs que se déclenche tout ce qu'on appelle les circulations énergétiques. Hein, c'est par cette sensation de fréquence qui circule dans notre corps et qu'on va suivre. Et on va du coup avoir une proprioception augmentée qui, par des exercices qui fait qu'on va pouvoir distinguer, discerner les différents tissus corporels. Et on va jouer avec ces tissus en fait comme un peintre ou comme un musicien joue avec les spectres sonores ou les spectres de couleurs. Oui, parce que musique électronique, les sons électroniques, on est aussi sur cette notion de fréquence, là encore. Donc j'imagine que sans parler de télescopage, mais il y a une forme de dialogue entre deux disciplines artistiques, deux expressions artistiques, voire par moments les trois qui se retrouvent, qui fusionnent peut-être. Oui, tout à fait. Et effectivement, tout se joue au niveau de ce jeu sur les fréquences et les spectres. Donc l'idée, c'est effectivement, quand on fait vibrer, c'est de faire vibrer la matière, hein, de façon poétique, en fait, l'idée fascinante, hein, fascinée par effectivement la science aujourd'hui et le fait d'avoir appris que la matière était en vibration et que la matière vibrait, c'est le désir de le vivre et puis de le partager. Avec certainement une idée très romantique derrière, hein, qui est l'idée que cette vibration de la matière à l'intérieur même de notre propre corps pourrait amener des transformations et des changements pour cette humanité. Et en tout cas, peut-être, comme le proposent les Tibétains, de faire vibrer le mental à des taux de fréquence tellement élevés qu'on deviendrait des personnes extrêmement raffinées. Évaporer, alors le titre, il résonne et il s'explique de quelle manière au travers de ce qu'on vient de se dire. Bah effectivement, sur certainement les fréquences très élevées, Casper Teplitz veut notamment travailler avec différents champs de fréquences, dont un champ de fréquence extrêmement aigu, extrêmement élevé. C'est vrai que je recherche aussi des états où on va venir faire vibrer nos cellules en tant que danseuse, grâce certainement aussi à un moment en fait que j'imagine de glaciation ou quelque chose d'assez figé dans les corps qui demande beaucoup de contrôle. Et par contre, une fois qu'on aura lâché ça, comme souvent une fois qu'on a lâché une posture dans le yoga, eh bien un influx en fait vibratoire arrive dans la personne, hein, au-delà même du corps, et on sent du coup des vibrations extrêmement fines. On est comme sur le fil du souffle. C'est comme si nos cellules, du coup, respiraient et non plus les poumons qui se remplissent. On n'a pas l'impression d'inspirer et d'expire. On est vraiment plutôt en train de capter la nourriture de l'air, en fait. Sur le plan pratique, pour conclure, combien de danseurs ou de danseuses sur scène ? Vous avez dit que la partie musicale, c'était sous la forme de concerts à côté. Au côté. Au côté, oui, au côté, vraiment au côté, c'est ça, c'est l'être ensemble, c'est être à côté l'un de l'autre. Donc avec un voire deux musiciens, on n'a pas encore fixé tout à fait les modalités du concert, et avec surtout cinq danseuses qui travaillent depuis très longtemps dans la compagnie. Donc il y a Déborah Larry. Il y a Véronique Weil, Carole Garriga, Amandine Bajou et Azusa Takeuchi. Voilà. Mille merci, Myriam Gourfinck. On aura le plaisir de découvrir cette création à Cergy Pontoise, à l'affiche de l'apostrophe Théâtre 95, nouvelle scène nationale, donc l'apostrophe Théâtre 95 à Cergy Centre Préfecture, les 13 et 14 février 2018. Dates sont déjà prises sur nos agendas. Merci à vous.